l'avais dit, ce qui est à moi va brûler. Je l'ai prédit, un soir de lundi, il va se faire fumer. J'ai 200 frères, j'ai qu'un ami, il est chromé. S'il t'explose, il pourra pas me dénoncer. J'ai ce qu'il voulait, j'suis ce qu'il rêvait. Fais ce qu'il fallait, mon cœur a fané. J'peux pas trop t'en parler. Jack Neal sous le palais. Pas comme une pute sur toi, j'éteins la lumière et puis fin. Mais qu'est-ce qu'il valait? Y'a pas que Dieu qui a vu qui t'étais. J'ai fait ce qu'il fallait. Pour qui tu te prenais? En cellule l'été. J'rêvais d'exploser la tête devant tout le raté. J'sais que j'suis branché. Ils m'ont filoché, bouché. J'sens qu'ils veulent me faucher. Mode S, ils me font trocher. Mon cœur en est touché. Le même riche ou fauché, je vais le tuer. Je vais le tuer. Je vais le tuer. Gros ou quand lui, faut le faire sur mon père. Que la nuit, je n'ai que lui dans ma tête. Ah oh oui, faut qu'il paye pour que je dorme en paix. Faut qu'il paye, bah, faut qu'il paye pour que je vive en paix. Ah oh oui, faut qu'il paye. La Californie, c'est la couleur de ma paye. Je dors au 40e, je ressens la chaleur du soleil. Oui ma jolie, y'a de l'oseille. Mais j'ai des ennemis, à tuer comme j'aime ma mère. Sale fils, police, yeux mis sur l'avocat. Je sais pas, j'vends pas, j'tue pas, j'vends des CD. J'dors mal, j'mange plus, j'nique des merdes dans les affaires. J'ai pas le temps de perdre du temps, autant longtemps que mon père attend le bif. J'sais que j'suis branché, ils m'ont filoché, bouché. J'sens qu'ils veulent me faucher. Mode S, ils me font trop chier, mon cœur en est touché. Le même riche ou fauché, je vais le tuer. Je vais le tuer. Je vais le tuer. Gros ou quand lui, faut le faire sur mon père. Que la nuit, je n'ai que lui dans ma tête. Ah oui, faut qu'il paye pour que je dorme en paix.